quoi demain sera fait. 95% de gens s'en tapent depuis enfant, rien de sans sas. Mes fantasmes et mes rêves s'entassent, le temps passe. On plane avec du H ou 12 ans d'âge. On veut trinquer au champ, on chante pour augmenter nos chances en pourcentage. On court sans lâche, lâche des potes car trop sont lâches. C'est pour du cash qu'on se fâche, c'est des amitiés de classe finissent en clash. La haine a pris place, la joie vole en éclats. Tel un bris de glace, des cris, des mépris. Et notre bonheur a un prix de barge. Nos rêves ont pris large et nous laissent en émoi. On oublie les bonnes actions, seuls les coups de crasse restent en mémoire. Alors je fais mon chemin et maintiens les traîtres à l'écart. Ceux qui m'aiment me suivent et si ça marche on partagera les parts. Et puis bah, toi, si t'as pas un soupçon de bon sens, car dès le départ, par sont ceux à qui je donne 1% de confiance. T'inquiète, fais mon chemin et maintiens les traîtres à l'écart. Ceux qui m'aiment me suivent et si ça marche on partagera les parts. Et puis bah, toi, si t'as pas un soupçon de bon sens, car dès le départ, par sont ceux à qui je donne 1% de confiance. Mieux vaut être strict et discret, les types ici sont très mystiques. On a trop de caractère, de caractère et drôle de caractéristiques. On calcule pas les risques, Paris c'est pas le parc Astérix. Faut que t'atterrisses, les conflits jeunes flics finissent souvent par des rixes. Y'a pas que des rires, je soigne mes mots par des rimes. Marre d'écrire, qui si c'est pas terrible, les clés flics sont des bactéries. Les poils s'érissent, la poêle vise et cache des villes. Espoir dévise, nos voiles dévient, on casse des vitres en guise de casse dédie. Pas de tragédie, je suis le chemin d'un avenir pas prédit. À vrai dire, j'avance seul ou je marche qu'avec des gars. Alors je fais mon chemin et maintiens les traîtres à l'écart. Ceux qui m'aiment me suivent et si ça marche, on partagera les parts. Et puis bah, toi, si t'as pas un soupçon de bon sens, car dès le départ, par sont ceux à qui je donne 1% de confiance. T'inquiète, fais mon chemin et maintiens les traîtres à l'écart. Ceux qui m'aiment me suivent et si ça marche, on partagera les parts. Et puis bah, toi, si t'as pas un soupçon de bon sens, car dès le départ, par sont ceux à qui je donne 1% de confiance. Ici le fric règne, pour lui notre appétit grossit. On trafique des produits nocifs, sachant qu'il n'y a pas de petit profit. Vu l'avenir qui se profile ici et le peu d'issue possible, c'est chacun pour soi, c'est ça la seule idée plausible. Les jeunes rappent à l'explosif pour faire la guerre au fit fautif. Faut-il croire que c'est le motif ou c'est le genre qui motive? Beaucoup parlent mais restent immobiles. On stagne le vice, nous hypnotise. On se tape pour vivre, on se tape quand se crève. L'état réalise les plus beaux deals. On est hostile, c'est ce qu'ils nous disent. En ville, y'a trop de jeunes qui se bousillent. C'est soit tu te bats, soit tu te barres, soit tu clames pour des broutilles. Alors je fais mon chemin et maintiens les traîtres à l'écart. Ceux qui m'aiment me suivent et si ça marche on partagera les parts. Et puis bah, toi, si t'as pas un soupçon de bon sens, car dès le départ, par sont ceux à qui je donne 1% de confiance. T'inquiète, fais mon chemin et maintiens les traîtres à l'écart. Ceux qui m'aiment me suivent et si ça marche on partagera les parts. Et puis bah, toi, si t'as pas un soupçon de bon sens, car dès le départ, par sont ceux à qui je donne 1% de confiance.